des voyelles, des consonnes, pour un amour non consommé. Des voyelles, des consonnes, le compte est toujours mauvais. Un prénom pour halluciner sous les étoiles en plein été. Tes initiales, bébé, suffiraient à mon bonheur. Tes initiales, bébé, pour moi, quel honneur. Un prénom pour halluciner sous les étoiles en plein été. Un faux nom suffirait pour me remettre en selle. Un faux nom suffirait pour te faire plus réel. Un prénom pour halluciner sous les étoiles en plein été. Négocier avec les astres, il me faudrait en savoir plus. Pour négocier avec les astres, il me faut le nom de l'élu. Un prénom pour halluciner sous les étoiles en plein été. Tirer des plans sur la comète avec des lettres anonymes. Tirer des plans sur la comète, ça n'est pas la voix unanime. Un prénom pour halluciner sous les étoiles en plein été. Il est trop tard, je capitule. Mes stratagèmes ont tourné court. On dirait bien le crépuscule, déjà hélas de nos amours.